c'était l'aventure. La guerre, les routes, les combats ensemble. Nous avons acquis la navire. Parmi la France nous attend. Thank you.